toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gemozo. Vous nous écoutez sur le 107 FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Bienvenue à tous. Et comme chaque midi, les lundis, eh bien vous êtes les bienvenus à vous installer avec moi et mon invité d'aujourd'hui dans la bulle. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir eh bien, d'accueillir Frédéric Badereau. Frédéric, bonjour. Salut Lia. Comment vas-tu? Plutôt bien. Eh bien, tant mieux. Je te remercie en tout cas d'être eh bien, venu jusqu'ici aujourd'hui pour nous parler eh bien, de quelque chose qui te tient à cœur. Depuis peu, tu as ouvert à Rambois un studio d'enregistrement. Ah ouais, ouais, absolument. Mais d'abord, merci à toi, Lia, de m'inviter à cette émission. Ça fait toujours parler de soi pour son travail. Ça fait toujours, ça fait toujours du bien. Il me semble que tu es venu il y a peu de temps, justement, pour parler de Festi La Vida, où tu étais ingénieur son aussi. Alors, je ne suis pas venu avec l'équipe cette année, mais j'étais venu l'année dernière, effectivement, pour Tatou. Ouais, j'ai fait le son cette année, à sonorisation, donc... Je les salue au passage pour ceux qui écoutent Radio Gemozo. Et puis, bah, merci à eux, parce que grâce à eux, je t'ai rencontré. Oui. Et donc, du coup, eh bien, voilà, on fait toujours de belles rencontres et ça, ça fait plaisir. Ouais, ouais, donc, ouais. Tu es un habitué, tu connaissais déjà un petit peu Radio Gemozo, mais aujourd'hui, eh bien, tu viens pour eh bien, parler de ton parcours à toi et voilà, du fameux studio que tu viens un petit peu de mettre en place, même s'il me semble que tu as une grande expérience déjà. Mais en tout cas, voilà, Audiophile Studio, c'est le nom de ton studio que tu viens d'ouvrir à Rambois. Voilà, c'est ça. Alors, depuis quand ? Eh ben, en fait, j'ai créé la micro-entreprise en janvier 2017. D'accord. Donc, c'est assez frais. Après, j'ai toujours fait ça, mais bon, il arrive un moment où il fallait que je le fasse officiellement. Donc, voilà, il fallait créer une entreprise et c'est un pas que j'ai voulu passer à 40 ans. Oui. C'est au moins ça concrétise vraiment voilà, ça donne les moyens de pouvoir travailler vraiment, parce que si on fait pas ça, c'est pas possible. Voilà, ça donne une certaine légitimité, tu veux dire. Oui, voilà, voilà, on peut en tout cas, on n'est plus obligé de se cacher pour le faire. Oui. On est officiellement voilà, ça permet de concrétiser vraiment le projet, quoi. Voilà. Et alors, tu proposes plusieurs choses au sein d'Audiophile Studio, sonorisation, recording et cours de batterie. Ouais, voilà, j'ai fait aussi, je fais aussi des cours de batterie en plus de tout ce qui concerne l'enregistrement ou la sonorisation, parce que je suis batteur depuis que j'ai l'âge de 11 ans, donc et oui, quand même. J'ai fait pas mal de groupes, j'ai toujours, voilà, puis bon, ça passe bien. Bon, après, c'est des cours plutôt ciblés. Ça va de 7 à 77 ans, mais j'ai un bon feeling avec les plus jeunes, on va dire. D'accord. Voilà, parce que j'ai une approche un peu différente au niveau des cours de batterie. Ce ne sera pas forcément du solfège à se bouffer toutes les semaines, donc c'est plutôt cool et les gamins aiment bien. Voilà. On se fait plaisir, en fait. Ouais, voilà. Les adultes aiment bien aussi. Hein. J'ai aussi des adultes dans les élèves et ils apprécient l'idée que c'est d'abord un amusement, un plaisir. D'accord. Alors, outre ton parcours musical en tant que batteur, hein, donc il me semble déjà quelques années d'expérience, 25 ans, c'est ça ? 25 ans en tant que batteur ? En tant que batteur, ben plus. Plus maintenant ? Enfin, si je calcule bien, oui, j'ai commencé vraiment quand j'avais 13 ans, donc j'en ai 41 maintenant. Ouais. Donc ouais, ça fait voilà, un peu plus. Mais comment t'es tombé un jour dans cette marmite de la musique ? Ah ben ça, c'est j'ai la chance d'avoir un oncle, le frère de ma mère qui est en Italie, parce que j'ai un côté de la famille qui habite en Italie. Et en fait, les deux frangins de ma mère sont musiciens et il y en a un des deux, c'est vraiment son métier. Et il fait de la sonorisation, de l'enregistrement aussi. Et ah lui, oui. Il m'a toujours tout appris. Moi, tous les étés, quand j'allais là-bas, je demandais qu'une chose, c'était de bosser avec lui, de passer des coups de main. J'ai appris, tout ce que j'ai appris, c'est de lui que je le tiens. Quoi. D'accord. Donc, c'est une passion depuis gamin. Moi, j'ouvrais grand les yeux, grand les oreilles. C'était un monde, le monde de la musique. Moi, je pourrais jamais décrocher de ce monde-là. C'est magique. Oui, je comprends tout à fait. Donc, grâce à ton oncle, chez qui tu passais les vacances, voilà, tu as plongé dans ce monde musical. Qu'est-ce qui te plaisait le plus quand tu allais chez lui, jeune enfant, voilà, voir les musiciens, écouter, entendre tout ce qui est derrière tout ça ? Parce que c'est vrai que... C'est un peu un tout, en fait. Mon plus vieux souvenir d'enfance, c'est j'entends jouer mon oncle avec son groupe de musique... Europa, par exemple, de Santana, voilà, c'est un morceau, c'est le morceau qui m'a fait, qui m'a réveillé musicalement, quoi. Et ouais, je devais avoir, je sais pas, 5 ans. Ah oui. Donc, alors, mais en fait, il y a tout qui me plaît là-dedans, c'est le côté technique aussi, le matériel. L'ambiance, la musique, enfin voilà, les musiciens qui se retrouvent et qui créent, voilà, l'ambiance en général entre musiciens, c'est quand même voilà quelque chose que j'affectionne. Ah oui, c'est un cosmos vraiment à part entière. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment sympa, très très sympa même. Mmh. Donc voilà, tu as commencé à être habitué à tous ces sons, à vouloir plonger droit dedans. Comment, à un moment donné, tu as transposé ça en activité professionnelle? À quel moment, voilà, ça s'est fait du loisir au professionnel? Eh ben, disons que pour partir du début, vraiment, c'est quand j'étais gamin, je pouvais démonter un poste de radio abîmé ou récupérer des grosses enceintes pour les brancher sur un petit poste de radio. Enfin, ça, c'est un souvenir concret, mais voilà, quand on a 11 ans, on fait n'importe quoi. Mais d'accord. C'était le début, c'était ma première sono. Ouais. Donc voilà, à partir de là, tout doucement, on se rend compte qu'on fait des erreurs, on apprend. Et puis un jour, on a une vraie sono et puis on sonorise pour de vrai un groupe. Parce qu'on est là au bon moment, parce qu'on a besoin, voilà. Donc du coup, c'est une première expérience positive. Et puis voilà, on apprend toujours. Et moi encore aujourd'hui, j'apprends beaucoup de choses. On s'améliore au niveau de ce qu'on fait et puis du matériel qu'on emmène aussi, parce qu'aujourd'hui c'est vachement important. Enfin, les groupes attendent d'avoir du matériel de qualité, en tout cas, enfin voilà, d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir les produire le mieux possible. Oui, c'est sûr. Comment on fait avec l'évolution du matériel? J'imagine qu'il y a une évolution permanente, faut toujours se mettre à jour, ou alors est-ce que finalement, quand on est bon, ça suffit? Bah, disons que ouais, il y a un peu des deux, mais le matériel, il y a eu un passage en numérique où les tables de mixage sont devenues numériques, donc c'est un autre univers, c'est un autre son, on va dire, parce que l'analogique, c'était quand même quelque chose d'appréciable. Mais par contre, on n'a pas les facilités qu'on a avec le numérique. Mais bon, une fois qu'on est déjà en numérique aujourd'hui, après, il n'y a que la diffusion, quoi. Voilà, il faut quand même que le système de sonorisation soit de qualité pour pouvoir faire de tout et n'importe où, quoi. Alors, j'ai vu un truc de fou quand même sur FestiLaVida. Mmh. Tu avais une petite tablette où tu faisais un petit peu les ballons. Voilà. Ouah, c'est fou ça. Comment tu fais ça? Bah, disons que ça, c'est ce qui emmène le numérique, en fait, les tables de mixage numérique. Maintenant, tout le monde a ça, on va dire. D'accord. Ceux qui font ce métier-là. Bah, en Wi-Fi, on peut piloter la table de mixage, que ce soit pour les retours de scène ou la façade ou... voilà, c'est un outil formidable, quoi, parce qu'on peut aller à côté du musicien et lui proposer du retour ou lui faire faire son propre retour à son goût à lui, quoi. Ah ouais, et ça, c'est plutôt bien. Donc ça, c'est technologiquement, il y a une énorme avancée par rapport à moi quand j'allais voir mon oncle en Italie il y a 25 ans. Et tu as réussi à évoluer avec la demande? Est-ce que c'est facile, ça? C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de... Il y a des niveaux de demande qui sont quand même des fois importants. Moi, je me limite, vu que je suis plutôt local comme entreprise. Oui. Et je ne suis pas encore un énorme prestataire au niveau du son. Hein. J'ai qu'un an d'entreprise, donc on verra ce que ça donne à l'avenir. Mais moi, je me cible plus sur le local, voilà, associatif, après les collectivités aussi, tout ça. Mais voilà, quelque chose de plutôt... moyen. Oui. Je vise pas les grosses sonorisations comme je sais pas moi les Eurockéennes ou les sapins barbus, les sapins barbus par exemple, le super festival. Pour le coup, je m'amuserais pas à faire la grande scène. Oui. Je laisse ça à d'autres. D'accord. Ou alors voilà, au niveau du son, je pourrais faire, mais je préfère laisser ça aux autres et m'occuper plutôt des choses plus petites et plus... Bien sûr, de toute façon, il en faut pour tout le monde, voilà, les deux côtés. Et c'est vrai que ton attrait pour le local, il est très présent. Oui. Et on en parlera tout de suite, tout au long de cette émission. De toute façon, cette émission, elle est pour toi. Hein, elle est, hein, et voilà, moi, je suis ravie de faire cette émission aujourd'hui avec toi. On va se lancer dans notre première bulle de son. Alors, deux morceaux dans cette playlist ont été concoctés par tes soins. On aurait bien voulu passer un petit peu des sons de ce que tu faisais, mais là, ça n'était pas encore possible. Mm-hmm. Donc, on écoute tout de suite James Brown pour Get Up and Drive Your Funky Soul, et on se retrouve juste après. One, two, three, ho! That funky soul. Get up, get yourself together, and drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. They're driving that funky soul. New York, get yourself together, and drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And drive that funky soul. When I say Sagittarius, drive that funky soul. When I say Pisces, holla, and drive your funky soul. When I say Gemini, and drive that funky soul. When I say Capricorn, hell, and drive your funky soul. Get. guess you can put that together. It takes a man to find a woman, it takes a woman to find what a man used to be. Get up! Get on up, get yourself to the bad blood, funky soul. That punk your soul. Everybody, somebody, that punk your soul. Get up, get up together. Don't punk your soul. Et nous revoilà ensemble dans la bulle avec notre invité du jour, Frédéric Badereau. J'espère que ça se prononce bien comme ça, ton nom de famille, Badereau. Ah mais bravo, mais bravo, il y en a plein qui disent Badereau. Ah bah voilà. Non, c'est bravo. Je suis plus douée en français qu'en anglais en fait, il faut se l'avouer. Donc on parle aujourd'hui, eh bien, entre autres, eh bien, du studio Audiophile Studio justement, donc, que tu as ouvert il y a un an en fait, officiellement, parce qu'on a bien compris que ça fait un petit moment que tu es dans le monde du son. Ce studio, il se trouve à Raon-Bois, au lieu dit les Trois, les Trailles. Alors, à terme, ce sera ici. Voilà, ce sera vraiment il y a des travaux à effectuer pour que tout se passe là-haut. Mais les prises de son se font encore dans le garage chez mes parents, dans un studio qui existe depuis, voilà, pareil, une vingtaine d'années, et puis qui a été amélioré avec le temps. Mais un jour, il faudra quand même que je leur laisse la place pour ranger des choses. Leur voiture, voilà. Par exemple. J'ai cette grande chance et j'en profite pour les remercier. Eh ben oui. Parce qu'ils m'ont toujours poussé, ils m'ont jamais freiné à faire cette passion-là. Et ils sont heureux que je puisse créer mon entreprise dans un domaine qui est plutôt loisir, ouais, au premier abord. Mais bon, voilà. C'est vrai que ça ne doit pas être facile pour des parents de se dire que son enfant il se lance dans le milieu musical. Ça fait toujours un peu peur. On a plus l'impression que c'est un peu pour rigoler que d'en faire son métier. Oui, voilà, voilà. Et eux, ils t'ont soutenu et ça, c'est important. Oui, voilà. Donc, merci à eux encore une fois. Voilà. On les remercie aussi pour toi. Du coup, on parlait un petit peu de ton attrait pour le local. Hein. Toi, tu aimes bien mettre en avant les artistes du coin. Et puis, on a certains grâce à qui tu es arrivé là aujourd'hui. Et voilà, tu avais envie de leur donner un petit mot, de leur faire un petit mot. Oui, disons que pour l'histoire, quand j'ai travaillé dans un magasin de musique avant que vraiment tout ça se concrétise, et j'ai été licencié économique parce que les magasins de musique sont quand même pas mal en souffrance en France, c'est quand même dommage, ouais. Ça on peut le dire aussi parce que il y a des magasins, il y a des sites internet qui sont super, voilà, on peut pas dénigrer, mais ça tue quand même les petits commerces du coin et c'est quand même malheureux. Donc voilà, mais j'ai saisi cette chance d'être licencié économique pour faire des formations lié à mon projet de création qui était encore plutôt abstrait à ce moment-là. Oui. Mais il a fallu que j'en passe par ces petites formations pour que ça devienne concret vraiment. Et donc il y a bien 2-3 personnes que je pourrais remercier dans l'histoire. Allez. Axel Guillaume à Pôle emploi, qui est vraiment une personne qui m'a pareil, voilà, qui était enthousiaste à l'idée de mon projet. Ça, c'est chouette. Alors lui, il m'a poussé vers une autre personne qui s'appelle Régis Chrétien de ITCRH. C'est une boîte de formation de Remiremont qui m'a aidé à créer mon site internet. Et puis, qui pareil, toujours très positif et enthousiaste dans mon projet. Donc, ils m'ont beaucoup aidé à y croire encore plus tous les jours. Et puis, j'ai fait une deuxième formation avec Jonathan Kartner. C'est pareil, c'est une personne qui est plutôt en Haute-Saône, mais qui intervient aussi beaucoup dans les Vosges. Et lui, il est plus sur la formation de création d'entreprise. Donc, il m'a aidé à la créer et il me suit encore. C'est une chance qu'on a en France. C'est encore un truc qu'on peut souligner, c'est qu'on peut se plaindre tant qu'on veut, nous, les Français, mais on a quand même une chance d'avoir ce qu'on a envie de faire dans ce pays-là. C'est pas donné à tout le monde partout. Donc, c'est vrai. On peut plutôt être positif par rapport à la France sur ce coup-là. Et ben on voit, tu as un beau message positif et ça, ben, on adore ça, nous, ici. Et puis, ben, on te remercie pour ça parce que du positif, ben, il en faut. Et puis, on remercie toutes les personnes qui t'ont aidé. Est-ce qu'il y en avait d'autres que tu voulais citer? Ah, ben, la famille, voilà, il y en aurait tellement. Mais voilà, tous ceux qui, même tous ceux qui participent, les entre guillemets, clients, oui. qui deviennent souvent des potes, des amis. Voilà, qui font un retour positif sur le travail que je fais. Et ça, c'est vachement encourageant aussi. Ah oui. Donc voilà, moi, je remercie tout. Hein. Voilà, merci, c'est une chance. Voilà. Ça, c'est chouette. Alors, on voit que voilà, dans ton processus de formation, ça a surtout été pour voilà, monter ton entreprise. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es formé dans la technique du son ou est-ce que vraiment tu as appris sur le tas au fur et à mesure du temps? Alors, oui, j'ai beaucoup appris sur le tas, mais bon, j'ai travaillé avec d'autres personnes, ouais. Beaucoup en Italie. Aussi, bon, c'est vrai que c'est là-bas que j'ai quand même appris beaucoup de choses, mais ici dans le coin, j'ai aussi voilà, passé des coups de main à droite à gauche. J'ai jamais vraiment fait de formation pour ça. Mais d'après moi, c'est quand même le plus important, c'est de pratiquer, voilà. C'est de le faire, c'est le terrain. C'est le terrain, voilà. Le terrain, c'est quand même... Après, c'est comme pour les cours de batterie, hein, on en parlait entre nous tout à l'heure, mais il y a la technique, enfin on va dire qu'il y a le côté papier, partition théorique, ouais. Théorique, voilà, ouais. J'ai cherché le mot, merci. Il y a le côté théorique qui est important quand même, donc ça c'est pareil, on a internet, il y a plein de choses, on peut se former un petit peu tout seul, on n'aura pas tout tout seul, mais en tout cas on peut avancer beaucoup. Il faut être curieux, en fait. Il faut être curieux, voilà, quand on aime, de toute façon on cherche à droite à gauche et on trouve. Et puis ça, c'est un beau message aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas accès à certaines formations ou qui pensent que leur rêve est complètement utopique. Et bien non, si on fait des recherches, si on se met vraiment dedans et qu'on se donne le temps d'apprendre, d'aller à droite, à gauche sur le terrain, d'écouter, de regarder ce qui se passe, et bien c'est possible. Oui, voilà, ça tombe pas tout cuit dans le bec, mais si on se bouge et qu'on aime ça, bon, généralement la passion, ça aide à aller de l'avant et de faire ce qu'il y a à faire pour avancer. Donc, eh ben oui, bon. Ça c'est bien. Ouais. Alors avant d'en savoir plus encore sur tout ce que tu proposes, moi je te propose d'écouter un son que j'ai choisi rien que pour toi. Ah. Ouais, ça vient du groupe The Architect, est-ce que tu connais? Oui. Ah ben, y a un son qui s'appelle L'usine à disques. Ah, excellent. Et ben voilà, j'ai pensé à toi, je me suis dit ça c'est pour Fred. Excellent. Donc je te fais écouter ça, je vous fais écouter ça à tous et on se retrouve juste après. Super. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. C'est aujourd'hui, et par le miracle de la technique, nous allons déceler à l'oreille la plus légère imperfection sur ce premier disque qui va être enregistré en haute fidélité New Orthophonique. C'est formidable. Des plus précieux serviteurs du disque qui vont œuvrer maintenant pour la joie de tous les amateurs de micro-sillons. Attention, et maintenant, à vous. This is a journey into sound. La plus moderne d'Europe et la plus belle du monde. Are you ready? Et nous revoilà ensemble après ce sublime son que je t'ai concocté spécialement. Ah, j'espère merci. Que ça t'a plu, au moins. J'espère surtout que ça t'a plu. Tu me disais que ça te faisait penser un petit peu au groupe dans lequel tu es batteur. Qu'est-ce qu'ils font que... mm-hmm. Depuis quand tu es batteur chez eux, tiens? Ah, bonne question. Je ne serais pas très précis sur ce coup-là, mais ça fait 2 ans et demi à peu près. Ouais. D'accord. On va dire comme ça. Tu arrives à cumuler ton métier d'ingénieur en son et puis ton côté plaisir batteur? Ah ben oui, non, justement, ça me laisse plus de temps. Ouais. Ça me laisse plus de temps aussi pour la musique en général. Hein. La sonorisation, ça demande moins en... Enfin, c'est plus intense, on va dire que tout un week-end sera pris du vendredi au dimanche soir, mais le reste de la semaine, ça peut laisser un peu de temps. Voilà, il y aura du boulot de mixage, il y aura du boulot tout ça, mais il y aura aussi de la place plus qu'avant pour les Qu'est-ce qu'ils font, pour d'autres projets, parce que j'ai beaucoup de projets avec des guitaristes, par exemple, qui sont tout seuls et qui cherchent des batteurs pour enregistrer des compos à eux. Voilà, donc y a ça, c'est de la place que j'arrive à avoir maintenant plus qu'avant. On en saura plus un jour peut-être. Peut-être. Alors, est-ce que justement, dans ton côté batteur, tu es aussi un peu autodidacte ou est-ce que pour la batterie, tu as appris avec un professeur de batterie? Ben, autodidacte complet pour la batterie, voilà. D'accord. J'ai vraiment appris tout seul dans ma cave et puis voilà, donc j'ai manqué de théorie pendant un moment, donc j'ai essayé de m'y mettre un petit peu pour pouvoir... m'améliorer, voilà. Ça, c'est fou, tu arrives à sortir tout ça de ta tête en écoutant, en te renseignant, en faisant encore et encore, et du coup, ça donne de bons résultats. Ouais, écoute, si ça donne des bons résultats, c'est cool. Enfin, moi, c'est la passion qui parle, alors je fais à mon niveau tout ce que je peux, sans que ce soit une corvée, c'est toujours un plaisir, voilà. Après, donc on arrive modestie. En toute modestie. Alors tu proposes plusieurs choses, on l'a vu ensemble, alors j'ai vraiment aimé sur ton site, donc là qui vient d'être créé, ça fait pas longtemps qu'il est créé ton site? Alors oui, voilà, j'ai mis un moment pour le faire et en fait je pense que ces jours-ci je vais vraiment le partager sur les réseaux sociaux pour qu'il soit vraiment vu et partagé. On vous mettra le lien du site en podcast avec cette émission www.audiophile-studio.com. Et donc voilà, on trouve plusieurs renseignements sur tout ce que tu fais. Alors j'ai bien aimé pour la sonorisation, What Mill Solutions pour votre sonorisation, c'était sympa, ça m'a bien fait rire. Donc on peut louer ou alors toi tu peux proposer tes compétences et ce que tu sais faire sur le terrain pour sonoriser chez les tatous par exemple. Est-ce que tu as fait d'autres choses sur place? Par rapport à Tatou ou en général? En général, ouais. Pour la sonorisation, de toute façon, on est tous à proposer, enfin tous au niveau de les entreprises qui proposent ce service-là. En tout cas, c'est il peut y avoir de la location, donc moi je peux louer mon matériel. Mais généralement, le mieux c'est que je sois avec le matériel, parce que pour sonoriser un groupe et savoir utiliser le matériel, il vaut mieux avoir la personne qui connaît tout ça. Donc, la location, ça fait quand même partie du truc. D'accord. Ouais. Oui, il y en a qui peuvent savoir faire, mais qui n'ont pas encore les moyens d'investir dans du matériel. Oui, voilà, c'est... Ouais. Donc, est-ce que tu as déjà été un gesson sur d'autres festivals que sur Tatou? Oui, j'en ai fait quelques-uns. Je pourrais pas tous les énumérer, mais cet été, par exemple, il y a eu la Nuit Américaine, il y a le comité des fêtes du Toli qui faisait un gros truc, c'était leur 20e anniversaire, je crois, du comité des fêtes. Après, il y en a eu quelques-uns. Je travaille aussi à la Souris Verte de temps en temps, donc ça permet de travailler sur d'autres matériels aussi, avec d'autres personnes, d'autres conditions, quoi. Voilà, ça grandit tout doucement parce que je fais des rencontres et à force... C'est ça qui est chouette, c'est les rencontres que l'on fait au fur et à mesure de tout ce qu'on traverse. Et ça, c'est plutôt sympa. Mmh. Tu nous parlais tout à l'heure de ton attrait pour le local. Alors, pourquoi c'est si important pour toi de faire dans le local? Pourquoi pour toi, c'est important cette intimité, entre guillemets? Alors, c'est le côté. Moi, voilà, c'est le côté humain qui est le plus important, en fait. Par exemple, à Tatou, voilà, c'est des amis. Voilà, les rencontres que je fais dans mon travail, ça devient avant tout des rencontres humaines. C'est un Oui. moment partagé. Alors, après, si l'entreprise devenait trop grande, ça deviendrait vraiment le côté de l'entreprise que j'aime pas. Ce serait vraiment l'argent pour Le l'argent, enfin voilà, rendement, ouais. grandir. Là, c'est vraiment. Je perdrais, je pense, le côté humain de tout ça. Donc ça, c'est. Et je pense qu'au local, il y a besoin, il y a assez pour pouvoir Eh éventuellement oui. vivre que de ça, parce que c'est quand même mon souhait, c'est de pouvoir On te le subvenir souhaite. à ma famille et à Oui. moi-même pour, voilà, On te le pour le reste de souhaite. ma vie avec Eh ça. bien Donc oui. c'est. Mais voilà, moi, si, je pense qu'après me déplacer trop, faire des trop gros trucs, je perdrais ce côté humain C'est vrai. que j'affectionne, quoi, voilà. Et puis il ne faut pas croire, hein, dans les Vosges, il y a plein de choses qui se passent. Ouais, ça Hein? bouge. Ouais. Il y a vraiment énormément de choses, de musiciens, de plein de choses à couvrir. C'est incroyable comme voilà, Ouais. ça fuse un petit peu dans tous les sens et ça, Ah oui, c'est les chouette. assos qui se montent, les festivals, il y a vraiment beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de demandes, beaucoup de musiciens. Ouais, c'est quand même chouette, voilà. On a ce qu'il faut ici, et puis Absolument. tu as bien raison de vouloir t'occuper d'eux, parce que je pense que eux aussi, ça leur fait plaisir que ce soit toi qui t'occupes d'eux, un peu de local dans les deux sens. Je pense que ça doit. Voilà, c'est un peu comme une grande famille en fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est en tout cas l'idée de ouais, appeler ça une grande famille, c'est cool. Bah voilà. Alors on va se lancer tout de suite dans notre troisième bulle de son. Cette fois-ci, un son qui remue un peu plus parce que voilà, tu as un panel musical voilà, bien élargi. Ouais. Hein, comme tous les musiciens, je pense que voilà, il y a plein de styles musicaux qui te parlent. Et puis je pense qu'en enregistrement aussi, tu as plein de demandes un petit peu différentes qui se proposent à toi. Absolument. Ouais. Hein, et ça, c'est sympa, hein, un petit peu de diversité. Nous, on aime bien. Alors on va écouter tout de suite. Metallica pour Said But True. Hein, je suis pas très douée en anglais, je te l'avais dit. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. We'll be right back. sommes toujours avec Fred qui est venu nous parler aujourd'hui du studio Audiophile Studio qui se trouve encore donc à Rhin-en-Bois en attente d'un nouveau local. Tu es en pleine recherche du local ? Alors le local, il existe, ouais. Mais c'est que de la pierre pour l'instant. D'accord, donc, ok. Avec le temps et un peu d'argent, il y aurait moyen de faire un studio d'enregistrement qui serait aussi une école de musique. Voilà, projet. Il y a un projet qui va un peu plus loin l'avenir. Ce serait vraiment une espèce de pôle musical. Bon, à Rhin-en-Bois, c'est pas non plus épinal. Mais par contre, voilà, il y a plein de jeunes et même d'adultes qui aimeraient avoir ça, voilà, un peu à l'extérieur des grandes villes, et proche des petits patelins du coin. Encore du local, et puis ça fait du bien. Hein, oui. On se rapproche un petit peu du monde rural, et puis pourquoi pas. Absolument. De toute façon, la musique, c'est ouvert à tous et c'est une langue universelle. Il n'y a pas de barrière pour aimer et faire de la musique, donc Rhin-en-Bois, c'est parfait. Oui, voilà. En plus, géographiquement, c'est un peu central avec Certigny, Remiremont. Il y a beaucoup de villages autour qui ne demandent pas mieux que d'avoir une espèce de pôle musical comme ça. C'est vrai. Alors, on l'a vu, tu as plusieurs casquettes, sonorisation, enregistrement, cours de batterie. On a fait un petit peu le point sur à peu près sur chacun de ces domaines. Mais je pense qu'il y en a encore tellement à dire. On s'intéresse maintenant un petit peu à ce qui s'appelle le recording. Je vais m'améliorer. Est-ce que tu donnes des cours d'anglais aussi, non? Non. Dommage. Donc, tu enregistres selon la demande certains groupes. Comment ça se passe, les enregistrements? Quel est le travail effectué quand tu enregistres un groupe? Eh ben, faut déjà qu'on discute avec le groupe pour savoir un petit peu ce qu'ils jouent. Il faut écouter un peu leur musique. Et puis après... Après, ça permet de mettre en place comment on enregistre. Donc, généralement, on prend un peu tous les instruments. D'accord. Tout est enregistré séparément. Donc, après, on fait une espèce de voix témoin. Le chanteur enregistre son chant, mais ce n'est pas le chant qui sera enregistré définitivement. C'est D'accord. juste pour donner le chemin par rapport au morceau pour les autres musiciens. Et puis, après, on réenregistre le chant ou plusieurs. On peut réenregistrer la batterie, on peut enregistrer la guitare. S'il y a des choses qu'on veut changer, modifier, on peut tout faire. Quoi. C'est ça qui est magique aussi avec le matériel d'aujourd'hui. Quoi. Et oui, ça prend du temps, un enregistrement. Je suppose que ça dépend du résultat qu'on veut obtenir. Oui, c'est ça. Après, c'est une histoire de qualité. C'est sûr que si les musiciens veulent faire quelque chose où ils seront à 100% satisfaits, ce qui est rarement le cas, ce qui n'est même jamais le cas, parce que le musicien a toujours... il n'est jamais satisfait. D'accord. Mais bon, pour avoir un truc le plus proche de ce qu'on veut au départ, c'est plutôt long. Donc moi, je suis plutôt dans la démo haut de gamme que l'enregistrement professionnel. Parce qu'après, c'est aussi au niveau des musiciens. C'est le musicien qui fait la qualité de l'enregistrement. En fait. D'accord. Moi, mon boulot, c'est juste de retranscrire ce que fait le musicien. D'accord. Donc, généralement, c'est long, oui, parce qu'il y a l'enregistrement du groupe, piste par piste, on refait les morceaux, les guitares ou toutes les pistes qui ont besoin d'être refaites. Et après, il y a le mixage. Oui. Et éventuellement, le mastering, c'est une phase ultime où on essaye d'avoir le résultat au niveau du volume et de la couleur du morceau en général, la plus belle possible. Quoi. Mais bon, le mastering, c'est un domaine plutôt à part. Quoi. D'accord. Est-ce que tu t'adaptes à tous les styles musicaux? En tout cas, je suis ouvert à essayer tout, à essayer tout ce qui vient. Il n'y a pas de raison. Justement, ça permet d'apprendre encore des choses. Quoi. Oui. Est-ce que le matériel dont on dispose peut amener à un certain style musical à enregistrer, ou est-ce que vraiment ça c'est pareil, on peut tout faire avec Il y a des micros qui sont plus spécialisés pour certains instruments, donc c'est vrai que quand on a tout le panel de micros on peut enregistrer n'importe quoi, c'est sûr que c'est pas un problème. Après moi j'ai pas forcément tout. Et oui, ça prend du temps. Mais bon, il y a des micros qui permettent en studio de prendre un maximum. Quoi. Voilà, il y a vraiment des choses très particulières, quoi, des fois. Est-ce que le résultat que l'on obtient sur un enregistrement, c'est aussi la sensibilité de l'ingé qui fait le travail derrière? Ça dépend que du musicien qu'on reçoit? Il a sa part, mais je pense que l'ingé son a sa part, mais ce n'est pas lui qui fait tout le job. En fait, moi, je suis juste censé... restituer ce que les musiciens oui. veulent donner. Donc c'est eux qui font vraiment le boulot. Moi, il faut juste que je nettoie les choses qui ne vont pas, mais pas musicales, les ouais. choses vraiment au niveau du son lui-même. Quoi. Donc, une fois qu'on a nettoyé tout ça et qu'on a un résultat propre, normalement, voilà, si le musicien fait le boulot, ça donne le résultat voulu. Il faut rester neutre, en fait. Ouais, voilà, il faut ouais. savoir écouter les autres et pas essayer de donner une couleur soi-même. Moi, je pourrais m'écouter et dire, tiens, là, je vais mettre une bonne grosse caisse parce que j'aime bien ça, ouais. Mais ça ne plaira pas forcément... au batteur que j'enregistre. Donc. C'est pas faux. Est-ce que tous les musiciens enregistrent séparément ? Il n'y a jamais un moment donné où ils enregistrent tous ensemble ? Alors, ils enregistrent tous ensemble ou séparément. C'est comme ils veulent. Généralement, d'accord. pour avoir le feeling, pour avoir le bon feeling, les musiciens ont besoin de jouer ensemble. Oui. Donc ça, c'est l'idéal. Et après, on peut réenregistrer séparément les choses qui ne vont pas. Quoi. D'accord. Eh ben c'est super. Avant d'arriver sur la fin de cette émission, eh bien je propose une petite surprise. Un son des Qu'est-ce qui font que, voilà, quand vous étiez à la Souris Verte en 2016. Just Begun, on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Gotta make you move. Here you go, on the run. Turn the what? Where you running from? Black and white, Tennessee. We gotta do your thing. We gotta do your thing. But it just begun. Watch it out. Feel the groove. Into something. Gotta make it move. Here we go. On the run. Gonna watch where they're running from. Yeah. but it's just begun. But it's just begun. But it's just begun. Faites du bruit pour le band, s'il vous plaît, breakdancer, batteur, ambianceur de dingue. C'est un qu'est-ce qu'il faut. Alors, on l'a vu, hein, Audiophile Studio, c'est sonorisation, enregistrement, cours de batterie. Si on veut te retrouver, ça se passe directement sur ton site internet, t'as un petit onglet contact, alors www.audiophile-studio.fr, hein, on remettra bien le nom de ton site internet avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui. Est-ce qu'on te trouve aussi sur Facebook ? Bientôt. Bientôt. Bah, en fait, la page, j'ai commencé à créer une page, il faut que, voilà, je voulais la mettre en avant seulement avec le site. Donc les deux vont tomber d'un coup. Moi, je m'amuserai à partager ça sur mon compte perso, que les amis puissent partager aussi, voilà, que ça se répande un petit peu. Mais oui. Bon, c'est pas l'idée de faire une énorme publicité, mais je voulais faire un beau site pour que ça présente bien et c'est plutôt chouette, je suis plutôt content du résultat. Oui, c'est carrément chouette. Est-ce que tu as d'autres projets en cours, mis à part ceux dont on a parlé, certaines choses que tu ne peux pas encore dévoiler ? Non, en fait, le projet, ce serait ce projet de studio à Rambois, oui. Juste à côté de chez moi, pour Crespo musical aussi, quoi, voilà, où, studio de répétition, cours de batterie, enregistrement... Voilà, vraiment, ça, c'est le projet qui me tient le plus à cœur. C'en est où, ce projet ? Est-ce que c'est encore... Ben, disons que c'est d'actualité, mais le frein, c'est comme pour tout le monde, c'est l'argent. Ouais. Donc, j'ai besoin d'argent pour pouvoir le concrétiser vraiment. Quoi. Est-ce que ça serait en collaboration avec d'autres personnes motivées ou vraiment c'est toi tout seul ? Ben, en tout cas, pour l'instant, c'est moi tout seul. C'est sûr que c'est compliqué de me faire aider par d'autres. En tout cas, voilà. Le jour où ce projet-là commencera à se pointer, à devenir un minimum accessible, oui. Là, je commencerai vraiment à aller demander à droite à gauche si je peux me faire aider. Mais ça a émergé de ton esprit, quoi. C'est les choses qui sont arrivées un petit peu d'elles-mêmes. Il y a une maison, il y a un local à côté qui serait susceptible d'eux. Et c'est marrant, ça colle avec mon projet. Enfin, voilà, tout se crée finalement au bon moment. C'est toujours un petit peu comme ça, en tout cas dans ma vie. Donc, Et ça, c'est plutôt bon signe. Hein. Oui, ouais, bah, j'espère. Parce que Paul Éluard disait, pas de hasard, que des rendez-vous. Et quand tout s'offre à toi, voilà, qu'il y a des petites choses par-ci, par-là qui pointent le bout de leur nez et qui tombent justement bien... Eh bien, c'est que tu es sur la bonne voie, en tout cas, c'est mon avis. C'est comme ton invitation pour cette émission. Peut-être qu'il y a une personne qui m'écoute, qui a des milliards de dollars et qui est prêt à m'aider. Mais peut-être, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et puis voilà, encore une fois, c'est un petit peu le bouche à oreille, hein, les rapports humains. Moi, je t'ai rencontré sur un festival. Voilà, on a discuté, on fait des rencontres. Mm-hmm. Voilà, sortez, écoutez de la musique, faites-vous plaisir, ça fait du bien. Et puis si jamais vous avez besoin d'un ingénieur son, n'hésitez pas à faire appel à Fred, donc, qui est à la tête d'Audiophile Studio sur Rahonbois, en tout cas sur le lieu dit Les Trailles. Oui, disons que c'est une chose que je n'ai pas rajoutée, mais c'est, le studio est mobile, c'est-à-dire que je peux enregistrer des groupes autant dans le local à Saint-Nabor, autant dans la salle de répète du groupe, n'importe où en fait. La technologie dont on a évoqué tout à l'heure permet de faire ça aussi. Ah, ça c'est sympa. Je peux me déplacer, enregistrer des groupes chez eux s'ils veulent. Et ça c'est pareil pour les cours de batterie, pour certains. Alors, tu peux aller... Oui, les cours de batterie c'est à la maison ou c'est au choix. Bon, après il y a une limite de kilomètres. Mais... Oui, puis ça dépend aussi du matériel sur place à la maison. Oui, voilà. Moi je m'adapte généralement. Si ça reste local dans un diamètre de 20 km, c'est pas un souci. Je peux aussi me déplacer à domicile. Il est parfait, cet homme-là. Aïe. Hein ? Et ben, en tout cas, on te remercie beaucoup d'être passé par ici pour nous parler de ta passion. Hein. Je pense que ça commence par une passion, tout ça. C'est un grand monde, la musique, mais c'est qu'un monde de passionnés. On salue tous les musiciens, toutes les personnes qui ont rencontré ton chemin et qui rencontreront ton chemin. Plus tard, on te souhaite plein de bonnes choses. Et puis on croise les doigts pour ce fameux pôle musical à Rahonbois. Et si jamais ça voit le jour plus vite que prévu, n'hésite pas à revenir vers nous avec grand plaisir, nous en dire plus. Merci beaucoup, Lia. Mais c'est moi qui te remercie. Plein de bonnes choses encore. Et puis, à nos auditeurs, eh bien, on se retrouve lundi prochain. Et puis, en attendant, hein, n'oubliez pas, c'est comme à chaque fois, rire, joie et bonheur à tous. Salut.